L'actualité des sciences, les s'aventuriers. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. On commence avec un sujet, et ce sera toute cette chronique, un sujet qui ne peut pas nous laisser indifférents ici à France Inter. Vous allez nous parler d'une antenne radio faite avec de l'encre. Une antenne que l'on vaporise et qui peut être 1000 fois plus fine qu'une feuille de papier. Des chercheurs de l'université de Drexel aux États-Unis ont mis au point une sorte d'encre que l'on peut vaporiser sur n'importe quelle surface pour transmettre des ondes. Cela donne une couche ultra fine et conductrice faite entre autres de carbure de titane. Avec ce système, n'importe quel objet peut transmettre et recevoir des ondes radio. Un simple pchit et le tour est joué. Ces antennes sont 1000 fois plus fines qu'une feuille de papier et bien plus efficaces que les autres antennes, même très fines. Les applications de cette invention sont nombreuses, notamment avec l'Internet des objets. On pourrait rendre les vitres, les murs, le papier, des vêtements communicants et même la peau. Pchit et je vous transforme, Eric, en antenne. Eh bien, me voilà transformée en antenne. Une antenne, et on va passer à l'autre sujet, une antenne qui aimerait bien ne pas perdre ses cheveux. J'en parle parce que des chercheurs ont enfin la solution, le bois de santal pour regarnir les crânes. Et les chauves vont sentir très bon. Il n'y a pas assez de mousse. Il n'y a pas assez de cheveux non plus. Quelques gouttes d'huile de bois de santal seraient-elles suffisantes pour faire pousser nos cheveux? Des chercheurs utilisent déjà le bois de santal synthétique pour stimuler la croissance des cellules de l'épiderme. Des scientifiques allemands et anglais ont voulu tester l'effet de cette huile sur la pousse des cheveux. Des échantillons de cuir chevelu de volontaires ont été trempés dans une solution de bois de santal synthétique pendant 6 jours. Eh bien, les follicules pileux traitées ont semblé être dopés. Le bois de santal synthétique aurait la propriété de favoriser la transformation des cellules folliculaires en cheveux. Le bois de santal naturel ne semble pas avoir le même effet. Les essais cliniques ont débuté. On va changer de sujet, Fabienne, à propos, et d'ailleurs ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, les moustiques qui disséminent un peu partout les plastiques dans l'environnement. La pollution aquatique est transformée en pollution aérienne par les insectes. Des microplastiques issus de tissus synthétiques, de billes abrasives de cosmétiques, de la fragmentation de sacs flottent dans les océans, mais aussi dans les cours d'eau et les lacs. Des chercheurs de l'université de Reading en Grande-Bretagne ont découvert que ces microplastiques avalés par les larves de moustiques restent stockés dans leur abdomen. Les moustiques font le repas d'autres animaux. Des oiseaux vivant à proximité de zones aquatiques polluées pourraient accumuler beaucoup de plastique. Il ne semble pas que les moustiques transmettent du plastique en piquant. Ah ça, la nuit, ce bruit-là. Ah, ça empêche de dormir. Ça empêche de dormir. On va terminer, Fabienne, avec cette nouvelle étonnante. La licorne ne serait pas une légende? La licorne de Sibérie, un mammifère préhistorique qui est connu depuis plus d'un siècle, a probablement cohabité avec les hommes. Une équipe russe vient de montrer qu'un animal ressemblant à une licorne a vécu sur Terre en même temps que les hommes modernes. La licorne de Sibérie est connue depuis le 19e siècle. Mais les scientifiques pensaient que cette espèce était éteinte depuis plus de 350 000 ans. Un crâne de licorne vient d'être retrouvé au Kazakhstan. Les chercheurs de l'université de Tomsk, en Russie, qui l'ont analysé, lui donne 29 000 ans. Cette licorne a donc connu les hommes modernes. 2 mètres de haut, 4 mètres de long, 4 tonnes, cet animal ressemblait quand même plus à un rhinocéros qu'à un cheval. Sa corne devait mesurer plus d'1,50 m de long et peser plusieurs kilos. Cette licorne n'avait vraiment pas l'aspect du cheval élégant des contes de fées. Eh bien merci Fabienne Chauvière, c'était Les Saventuriers, la chronique est à retrouver sur franceinter.fr.